Une fois le verrou mis, le Brésilien quitta le cabinet de toilette où il attendait, et il parut, les yeux pleins de larmes, dans un état à faire pitié. Montès avait évidemment tout entendu. « Tu ne m'aimes plus, Henri, je le vois !» dit Madame Marneffe en se cachant le front dans son mouchoir et fondant en larmes. C'était le cri de l'amour vrai. La clameur du désespoir de la femme est si persuasive qu'elle arrache le pardon qui se trouve au fond du cœur de tous les amoureux quand la femme est jeune, jolie et décolletée à sortir par le haut de sa robe en costume d'Ève. « Mais pourquoi ne quittez-vous pas tout pour moi, si vous m'aimez ?» demanda le Brésilien. Ce naturel de l'Amérique, logique comme le sont tous les hommes nés dans la nature, reprit aussitôt la conversation au point où il l'avait laissée, en reprenant la taille de Valérie. « Pourquoi ? » dit-elle en relevant la tête et regardant Henri qu'elle domina par un regard chargé d'amour. « Mais, mon petit chat, je suis mariée, mais nous sommes à Paris, et non dans les savanes, dans les pampas, dans les solitudes de l'Amérique. Mon bon Henri, mon premier et mon seul amour, écoute-moi donc. Ce mari, simple sous-chef au ministère de la guerre, veut être chef de bureau et officier de la Légion d'honneur. Puis-je l'empêcher d'avoir de l'ambition ? Or, pour la même raison qu'il nous laissait entièrement libres tous les deux, il y a bientôt 4 ans, t'en souviens-tu, méchant ? Aujourd'hui, Marneffe m'impose, monsieur Hulot. Je ne puis me défaire de cet affreux administrateur qui souffle comme un phoque, qui a des nageoires dans les narines, qui a 63 ans, qui depuis 3 ans s'est vieilli de 10 ans à vouloir rester jeune, qui met au Dieu que le lendemain du jour où Marneffe sera chef de bureau et officier de la Légion d'honneur,